Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Bonsoir à tous. Vous êtes en compagnie de Bruno et Jean-François à l'émission Terrain Incognita. Merci à Jacques Dulac pour la belle émission et la présentation qu'il a faite. Et Jacques sera de retour à minuit pour l'autoroute. Et comme d'habitude, nous allons explorer le magnifique monde de la musique progressive avec quelques nouveautés, mais aussi un petit tour d'horizon et une couple de vieilleries là, qu'on jase des fois, moi et puis Bruno. Mais on va débuter avec une nouveauté de Pineapple Thief, un disque qui s'appelle Magnolia. Et c'est un disque qui est chroniqué dans le magazine Classic Rock de octobre 2014. Une critique assez succincte, mais on dit là-dedans que ça ne fera pas nécessairement le bonheur des amateurs de musique progressive parce que les pièces sont plus courtes. Bruce Sword nous a habitués à des pièces assez développées, des fois des 15 minutes. Mais dans ce cas-ci, ça tourne toujours autour des 5 minutes et ça se veut peut-être un petit peu plus, je dirais, accessible, un petit peu plus grand public. On sent que Pineapple Thief là, commence à lorgner un petit peu de ce côté-là. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un peu plus de visibilité. On voit les pochettes de Pineapple Thief dans les magazines. Et on voit que on dirait que ce groupe-là est pour percer un petit peu à la façon de Porcupine Tree. Et dans le courant de l'été, Pineapple Thief avait sorti un album qui s'appelle Introducing. On avait d'ailleurs vu ça pour Pendragon, qui incidemment va sortir un album bientôt. Et on avait vu ça aussi pour Osric Tentacle. Et on écoutera aussi un petit peu de Opeth. On va explorer encore plus le disque qui est paru il y a quelques semaines. Mais allons-y tout de suite avec Pineapple Thief et la pièce Alone at Sea de l'album Magnolia. Time All things will come undone. There's nothing to share. Waiting for no one. No one is there to care. takes you. Always he can feel you run on away to come. Thank you. C'était Yuka et Chronoship du groupe japonais. En fait, c'est le groupe japonais Yuka et Chronoship. On a entendu Cutting Gravity, extrait de Dino Rocket Oxygen. Et c'était précédé d'Hydria Space Folk de l'album Symbiosis. Je vous fais grâce du titre. Et la pièce River du dernier album de Opeth. Et on avait débuté avec Magnolia de Pineapple Thief, la pièce Alone at Sea. On passe à une pause publicitaire, on vous revient tout de suite après. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Oye, oye, oh yeah, oh yeah, lancement des cabarets de la pleine lune. Cirque, conte, musique, magie. Vendredi le 10 octobre à 21h au triplex suspendu, 1039 3e avenue, Limoilou. Bistrot un peu fou. C'est le début d'une longue histoire d'amour entre vous et nous. Le gala et l'autre gala de la disque reviennent cette année pour récompenser les artistes et artisans du milieu du disque et du spectacle québécois. C'est Louis-José Houde qui animera le gala, alors que les Denis de Relais tiendront la barre de l'autre gala, qui remportera les prestigieux prix Félix. Pour le savoir, écoutez l'autre gala et le gala de la disque, deux rendez-vous les 22 et 26 octobre, en collaboration avec Musique Plus, Musimax et Ici Radio-Canada Télé. Tous les détails sur adisque.com. Ce message est diffusé par CKRL 89.1. Nous sommes déjà de retour à CKRL 89.1 à Québec avec Jean-François et Bruno. C'est l'émission Terra Incognita jusqu'à minuit ce soir. Et comme je vous disais un peu plus tôt, Pineapple Thief fait paraître dans le courant de l'été un album qui s'appelle Introducing. Et c'est un album double sur un label qui s'appelle Recall. Et je ne sais pas à quoi c'est affilié, cette compagnie-là, mais on présente tous les disques qui sont parus sur Keyscope et les autres sur ce site-là. En fait, ça a tout été repris sur Keyscope. Et on va entendre là-dessus, on retrouve une bonne rétrospective là, de chacun des albums. En fait, tout ce qui est paru, comme je disais, sur l'album, sur le label Keyscope. Mais c'est différent un peu de la compilation qui était parue il y a peut-être 3 ans. En fait, il y a très peu de pièces qui sont communes avec cette compilation-là. Donc, si vous possédez tout, ben c'est un objet absolument inutile, à moins d'être un peu collectionneur comme moi. Mais on va quand même en entendre une pièce qui s'appelle « We Love You » et c'est extrait de « Little Man ». On va entendre ensuite une pièce de Pandora et... aussi un extrait de l'album compilation qui est paru avec le magazine Progressist. C'est un groupe qui s'appelle The Entity. On va entendre une pièce qui s'appelle Ant. Mais avant, je voulais vous parler de quelque chose qui est un petit peu phénoménal. C'est l'artiste Kate Bush, qu'on avait beaucoup aimé dans les années 80 et 90. Qui avait été découvert au départ par David Gilmour, qui était un ami de ses parents, et il avait reconnu le potentiel de la dame. Mais Kate Bush est assez timide et depuis une trentaine d'années, elle faisait plus de concerts. En fait, elle n'avait jamais fait beaucoup et à ma connaissance, elle n'est jamais venue en Amérique du Nord, en tout cas pour faire des concerts, parce que il semblerait qu'elle a peur de l'avion, mais je pense qu'elle a encore plus peur de la scène. Il y a quelques années, elle a eu un enfant, puis il est rendu à 16 ans, le petit gars, puis c'est lui qui a poussé dans le dos de Kate Bush. Et récemment, dans le courant de l'été, en fait, on apprenait que les 80 000 billets pour les 22 concerts s'étaient écoulés en 15-20 minutes, ce qui est assez phénoménal, et surtout que les billets se vendaient assez cher. Et toujours dans le magazine Uncut du mois de novembre 2014, ben, il y a un compte-rendu de ce concert-là, et c'est toujours aussi théâtral. Et c'est concentré surtout sur l'album... Aérial, qui il y a un disque au complet qui est joué là-dessus. Et End of Love aussi est honoré, quand même beaucoup. Et un peu plus loin, dans le courrier des lecteurs, il y a un spectateur qui lui dit qu'il a payé 440 livres pour un billet pour lui, sa femme et ses deux filles. Et c'est quand même pas mal d'argent. Et il n'était pas tout à fait satisfait, lui, il voyait des points négatifs là-dedans. Mais, disons, globalement, la critique était plutôt bonne. Et on peut toujours rêver de voir Kate Bush en Amérique du Nord, mais je pense qu'on va rêver longtemps. Donc, pour l'instant, on va y aller avec Pineapple Thief. Ces gens-là, ben, on les a vus à la convention Terra Incognita. Peut-être qu'il y aura une tournée éventuellement et qu'ils reviendront à Québec. C'est ce qu'on souhaite.

te ciò che io voglio, vedo ciò che io di te voglio, sei bastano i tuoi sguardi, perché non so quel che tu pensi. Questo non ha più senso. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou, lebaldulézard.com. Méfiez-vous des barbiers qui rasent d'un peu trop près. Du 28 octobre au 8 novembre, Décibel, en collaboration avec Juste pour rire, présente au Capitole le thriller musical Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Première mondiale en français du classique de Broadway, mettant en vedette Renaud Paradis, Cathy Julien, Jean Petitclerc et Sabrina Ferland. Merci à nos partenaires Ici Radio-Canada et Weekend 91.9. Billets en vente sur lecapitole.com. 89.1 Québec, c'est l'émission Terrain Incognita, encore pour une heure. Et on a terminé ce deuxième bloc avec le groupe The Entity, avec un album qui s'appelle Il Falso Centro. On a entendu la pièce Ant. Et c'est aussi disponible sur la compilation Progressis numéro 77. Et juste avant ça, c'était Pandora avec Alibi Philosophico. Moi, j'adore cet album-là. Très, très bon disque qui est paru l'an dernier. Et assez diversifié. J'ai vu des chroniques d'albums où ce que justement on disait que ça pouvait ne pas plaire à tout le monde, parce que justement on voit dans différents sens. Moi, je trouve ça quand même assez au niveau réalisation. Moi, je trouve ça quand même assez régulier. Mais effectivement, il y a des pièces où ce que ça sonne quasiment crooner même, mais c'est tout chanté en italien. Et ça débute d'une façon assez décapante avec une guitare qui est assez heavy metal. Disons que ça surprend, mais le reste de l'album, comme vous avez pu l'entendre, ben en fait, cette pièce-là est, je sais pas si on peut dire représentative, parce que chacune sont un petit peu différentes. Mais moi, c'est un album qui me plaît beaucoup, que je vous recommande. Et c'est présenté en plus dans un packaging, là, mini LP. C'est d'un grand chic. On avait débuté avec The Pineapple Thief, qui est un petit peu à l'honneur ce soir, étant donné le nouvel album qui s'appelle Magnolia. Et là, on va se payer à traite un peu. Là. Bruno aime ça, les longues pièces, mais on va y faire plaisir avec Unitopia. Unitopia, qui ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas sorti d'album, mais c'est un extrait de Decameron, Ten Days in Hundred Novellas, Part 2. Et c'est une pièce de 20 minutes, donc on va avoir le temps de... genre de jaser un petit peu, moi et puis Bruno, et en même temps, ben, ça va faire un bon extrait là, de cet album-là. Et Unitopia, ben, pour rappeler, c'est ça sonne vraiment Genesis là, par moment. Et le chanteur, il vous porterez attention un petit peu là, autour des 10 minutes. On croirait entendre Peter Gabriel. Mais on sent qu'il fait attention là, pour ne pas sonner trop comme une copie de Peter Gabriel, mais à un certain moment, là, on sent la voix rauque, là, la façon Peter Gabriel. Et justement, en parlant de M. Gabriel, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière dans Le Soleil, il y avait un article où ce qu'on voyait nos 5 larrons, il est même encore question d'une reformation. Pour l'instant, cette semaine, il est paru un album qui s'appelle R-Cave, donc Archive. Et là-dessus, on retrouve 22 pièces de Genesis et plus 3 pièces de chacun des membres, là, soit en solo ou en groupe, là, comme Mike and the Mechanics, qu'on retrouve là-dessus. Donc, 3 pièces chacun. En plus des 22 pièces de Genesis, mais en fait, c'est les grands classiques. Là. Ça va de Trespass jusqu'à Calling All Station. Tout est représenté. On dit que c'est remixé, mais je pense que c'est les mêmes remixes là, qu'on avait vus dans les coffrets. Et donc, rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a même pas de pièces inédites là-dessus. Donc, c'est un coffret de 3 disques. Et ça pourra garnir nos collections qui commencent à être assez épaisses en ce qui concerne Genesis. Donc, on va écouter un petit peu d'Unitopia et ce sera suivi de Chamal. wondering the meaning of life. He stood among the stones. Many who'd fallen into eternal sleep, contemplating the great unknown. We asked him what he'd accomplished so far. Corpses beneath. Feelings grow. if you can. I'm getting stronger by the day. Learning to resist all of the games in this passion play. Leave a trail of dust with the wind at my back. You're getting further away. I know it won't be long before I can breathe a sweeter bouquet. You raise the mind and you say. Once again, destined to be untold. And all the while we're waiting for a chance to be renewed. Listening to the engine of the beating heart that cries for you. by surprise. I could not believe my eyes. Running rings around me, I fell for his artful disguise. I fell for his artful disguise. Musique, magie, vendredi le 10 octobre à 21h au triplex suspendu, 1039 3e avenue, Limoilou. Bistrot un peu fou, c'est le début d'une longue histoire d'amour entre vous et nous. Assistez à une rencontre hors du commun entre l'écrit et l'image le mardi 14 octobre prochain dans le cadre du festival Québec en toutes lettres lors du spectacle Paroles sur image. Pour un soir seulement, quatre auteurs et quatre dessinateurs unissent leurs forces pour créer quatre œuvres originales, lues et illustrées en direct. Découvrez les créations de Webster, Catherine Dorion, Pierre Bouchard, Bach et plusieurs autres. Paroles sur image, le 14 octobre, 21h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Macarons de festivalier obligatoire. Réservation au 418-641-6788, poste 125 ou à info@québecentoutelettres.com. Une production de Parenthèse 9, présentée grâce au soutien de Première Ovation et en collaboration avec Le Cercle, le Festival de la bande dessinée francophone de Québec et CKRL. Psst, vous ne pouvez pas vous rendre sur place? Écoutez la lecture des textes en direct sur les ondes du 89.1. Donc, on a terminé avec Chamal et leur album Turn Off. Comme me le faisait remarquer Bruno, ça sonne énormément Eloy. Et je pense que c'est... Le fait que ce soit deux groupes allemands, je pense que c'est pas étranger à ça. Beaucoup de synthétiseurs et même le vocal. Moi, je trouve qu'il sonne un petit peu Frank Borman. Et juste avant, c'était une Utopia avec une longue pièce extraite de Decameron que je vous conseille. Un album quadruple. Il y a beaucoup de bonne musique là-dessus. Tendance médiévale par moment, mais de très bons groupes. Franchement, je suis épaté par ce disque-là. Bon, déjà, dernier bloc, on va écouter un peu de Moon Safari, il me semble, ça fait un petit bout de temps. Et je regardais mes anciennes émissions, je pense pas que j'ai déjà mis ce disque-là, un album live qui s'appelle The Gettysburg Address. Et c'est un spectacle qu'ils ont donné pour le Rossfest, un festival auquel j'ai jamais participé, mais je pense qu'il faudrait que je mette ça à un moment donné à mon agenda. On va dire que c'est toujours à la fin avril, début... maintenant, c'est plus début mai. Et c'est juste un peu avant la convention Terra Incognita, donc le timing n'est pas nécessairement très, très bon. Mais éventuellement, peut-être. En tout cas, s'il y a des groupes comme Moon Safari, que je n'ai pas eu l'occasion de voir, malheureusement, peut-être qu'on pourra mettre ça à un moment donné. Et ensuite, on écoutera... Un groupe de 1975 qui s'appelle Mir Trandir. À ma connaissance, il y a juste un album, For You, The Old Woman. On va entendre une pièce qui s'appelle, justement, la pièce For You, Old Woman. Mais avant, je voudrais vous parler un petit peu de Pink Floyd. Ça s'en vient, le nouvel album. D'ailleurs, Jacques Dulac, quand je suis arrivé, il m'en a parlé. Il dit, bon, éventuellement, vous allez sûrement mettre du Pink Floyd. Bien, sûrement, oui, quand ça va sortir. Et ça s'en vient à quelque part au début novembre, je pense que c'est le 6. Et toujours dans le magazine Uncut du mois de novembre 2014, il y en a question et on parle de bouts d'essais là, que Pink Floyd avait fait là, à l'époque de Division Bell. Et c'est en grande partie composé par Richard Wright. En tout cas, il avait participé à ça. Et toutes ces bandes-là qui étaient très bien identifiées, bien, David Gilmour a fait un petit tour de ça, puis il a rassemblé beaucoup de matériel qu'il a confié à Phil Manzanera. Et l'ancien guitariste de Roxy Music, bien, il s'est mis à la tâche, puis il a travaillé ça, puis ils en ont sorti quelque chose qui servait, qui a servi de base là, à un enregistrement qu'ils ont rajouté par-dessus ça. Donc, Richard Wright va participer, en fait, aura participé à ce disque-là de façon posthume. Et on a bien hâte d'entendre ça, The Endless River, qui va paraître au début novembre. Et toujours dans cet article-là, il est question des pièces de Richard Wright, et on se rend compte que jusqu'à quel point ce musicien-là est important. Il a participé, en fait, il a composé Interstellar Overdrive, Summer 68, des pièces qu'on aime beaucoup. One of These Days sur mon album préféré qui est Middle, et la magistrale Echoes. Pensons aussi à Great Gig in the Sky et Shine on You Crazy Diamond, auxquels il a participé toujours à la composition. Donc c'est un musicien très très important, même si il n'était pas, on peut dire, flamboyant. C'est pas celui qu'on remarquait dans Pink Floyd, mais les arrangements qu'il faisait, ses sons d'orgue, ses sons de clavier étaient toujours très opportuns. Donc on va écouter Moon Safari et ce sera suivi de Mir 31. We'll be right back. Drink till I cry, but just can't fall asleep. Someone please give me a call. Summer is over, we've used all our dreams. Now I tumble in blind memories. You've changed your address, soon you'll change your last name. How I wish I'd much confusion dealing with an abstract mind. Life's trial for 3-2-3. Dire un groupe américain qui a été là dans les années 75. En fait, c'est, à ma connaissance, le seul album qu'ils ont réalisé. Et ben, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait peut-être pas d'ouverture à ce moment-là. Et c'est pas le seul bon groupe. Bruno a fait jouer la semaine dernière Pentwater, qui s'est retrouvé un petit peu dans la même situation. Mais eux autres sont revenus après dans les années... moi, je dirais, dans les années 2000, qui sont venus avec des disques qui étaient quand même assez réussis, avec des pièces peut-être un petit peu plus courtes, peut-être un petit peu moins complexes. Bon, c'est un... je sais pas si c'est encore disponible, c'était sur le label symphonique. Moi, j'ai pas vu sortir grand-chose de ce label-là dernièrement. Et c'était précédé de Moon Safari, qui, lui, est toujours en action. D'ailleurs, on a entendu un très bon disque qui est paru l'an dernier. Ils sont toujours actifs. C'était de Gettysburg, l'adresse, et la pièce qu'on a entendue, c'est A Kid Called Panic. Et ben, c'est déjà presque fini pour nous. Mais histoire de finir sur un bon pied, avec quelque chose qui est neuf, en fait, Outsider du groupe Area Ape, et ça c'est dans l'idée de faire une transition avec l'autoroute qui est animée ce soir par Jacques Dulac, qui est prêt, là, qui a déjà tout son matériel d'installer et qui a beaucoup de bonne musique à vous faire entendre pour une bonne partie de la nuit. Donc, je vous parlais de Area Ape qui a sorti Outsider. On retrouve, en fait, la première fois que je vous ai présenté ce disque-là, je vous avais dit que j'étais pas très emballé parce que il me semblait que les pièces étaient, bon, peut-être un petit peu toutes semblables et ça manquait un petit peu d'inspiration. La pièce que j'avais mis, je vous disais que c'était pas nécessairement représentatif, mais j'en ai trouvé un autre que je trouve bonne. En fait, je le réécoutais pour trouver un extrait, là, parce que je voulais terminer avec ça ce soir. J'ai sorti la pièce Looking at You. Et bon, en prêtant une meilleure oreille, on se rend compte qu'il y a toujours Log Hammond qui fait un petit côté là, très, très suave. Là, et bon, on retrouve toujours ça. Et le nouveau vocaliste, ben, il s'en sort quand même assez bien. Et en réalité, c'est le seul membre original, c'est Mike Box qui s'occupe de la guitare. Et les autres, ben, c'est plus des musiciens plus jeunes. Ben, on va écouter Looking at You. OK. Bon, OK. Donc, on y va avec Rehype. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Je te dirais que ça a été dans les premiers bands à jouer très pesant, un peu comme les Power Trio à la Blue Cheer. Là, tout ce qu'on a pu entendre, ça bouchait en motésie. Restez avec nous. Dans un instant, l'autoroute. Les arrangements de cordes qu'on entend là-dessus, d'abord, il y a une citation de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak dans le refrain. Okay. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Come on, come on, come on, come on now.